sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, des insectes et des hommes, une série de Juliette Boutillier réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a un mélange de fascination et de dégoût, et surtout de la curiosité pour ce monde parallèle et grouillant avec lequel on cohabite et qui est parfaitement organisé. Alors pour commencer, les personnages. Une entomologiste admirative, un homme qui enregistre au plus près, un entomologiste qui scrute les termitières, et la voix d'une comédienne pour dire les mots de Vinciane Després. Ensuite, le décor. Des termites, des blattes, des guêpes et des fourmis, des parades, des guerres, des accouplements, des stratégies, du bois mort, des cartons, des rennes et des soldats. Aujourd'hui, premier épisode, on fait gaffe aux fourmis. Mon souvenir peut-être le plus frappant, c'est un souvenir quand même largement de post-adolescence, puisque j'étais déjà un jeune adulte au milieu de la forêt tropicale au Gabon. Philippe Grand-Cola. J'étais en train d'étudier la manière dont les fourmis magnans, qui sont des fourmis qui font des grands raids dans le sous-bois, hein. Il faut imaginer des centaines de milliers d'individus qui progressent dans les feuilles mortes, hein, qui avancent sur des fronts extraordinaires. Ces espèces de fourmis, en fait, prédatent les petits organismes qui se trouvent dans la litière. Pour étudier la manière dont elles prédatent, il faut se trouver auprès d'elles, bien sûr se protéger en évitant qu'elles vous montent sur les pieds et qu'elles vous envahissent vos vêtements. Et vous pouvez constater en fait la manière dont elles se comportent avec les différents insectes, certains ayant des stratégies pour les fuir, d'autres au contraire en étant victimes. Le résultat peut être assez extraordinaire, imaginez. Des insectes et des hommes, de l'anarchie bien ordonnée des insectes sociaux. Vous voyez en fait la vie et la mort dans la biodiversité autour de vous, à raison de plusieurs centaines de milliers d'individus qui se comportent là sous vos yeux dans un environnement extraordinairement divers. Donc c'est vraiment un souvenir frappant. Hein. On prend conscience vraiment de l'interaction, hein, l'interaction entre les prédateurs et les proies, entre les différents organismes d'habitude qui sont un peu cachés, hein, qui vivent de manière très discrète. Là, vous en avez vraiment conscience, je pense. J'ai lu dernièrement une drôle d'histoire. Ève, au jardin du paradis, aurait eu l'idée de proposer aux animaux de rendre les noms qu'Adam leur avait donnés. Les animaux ont trouvé l'idée bonne. Voilà, Adam, avec tout le respect que nous te devons, nous te rendons les noms que tu nous as donnés et que nous n'avons pas choisis. Dorénavant, nous ne nous appellerons plus rats, chèvres, crevettes, rhinocéros, abeilles, tigres, guêpes, siamans, poules, termites, buffles, autruches, chimpanzés, poissons, cloportes, chiens ou chats. Mais il fallait que les animaux se mettent au travail afin de trouver les noms qui leur conviendraient le mieux. Ces noms ne seraient évidemment pas des mots, mais pour certains des odeurs ou des parfums. Pour d'autres des mouvements ou des danses, pour d'autres encore des bruissements d'ailes, des chants, des cliquetis ou des murmures. Les animaux savaient, ou allaient découvrir, que le fait d'exprimer qu'on est soi par une odeur ou un son, par un ultrason ou en faisant vibrer les choses, par une façon de fendre le ciel ou de danser dans l'eau, par une manière de creuser la terre ou de tisser une toile, pourrait changer pas mal de choses. Le choix de ces noms a fait l'objet d'intenses discussions. Les réunions se sont multipliées. Certains groupes sont allés en consulter d'autres. On a ainsi vu un essaim de guêpes se rendre en délégation chez les termites pour leur demander « Comment avez-vous choisi ? Doit-on se nommer par ce que l'on aime, par ce que l'on chante, par ce que l'on mange, par ce qui nous fait peur, par ce que l'on sent ? Par le mouvement unique qui fait fendre l'eau ou traverser les airs ? Par le parfum des fleurs que l'on butine ? Par une danse, par une onde d'écolocation ?» Un des points de départ de mon travail, c'est la fourmi. Jean Poinsignon, musicien-compositeur. C'est ce trou-là. Fernand de Roussani, audio-naturaliste. Ça fait 3 ans que je les ai, et 3 ans que je les garde, parce que je les adore. Même oui. Si elles m'ont fait des dégâts dans le tronc, ouais, je soulève toute la structure de la fourmilière. Est-on encore une fourmi, si nous employons l'ancien vocabulaire? Si on n'a pas d'autres fourmis près de soi, il faudrait alors que le nouveau nom indique ou fasse sentir quelque chose qui signifie celle qui est avec les autres. Les escargots furent les premiers à s'accorder sur la manière dont ils voulaient être appelés. Si on devait la traduire en langage humain, cela signifierait très approximativement, je dis bien très approximativement, « chez moi, c'est encore moi ». Je crois que c'est le premier son que j'ai enregistré. Regarde ça, toutes les galeries là. J'étais en vacances en Auvergne je me suis arrêté devant une colonne de fourmis qui passait sur des feuilles mortes. J'ai enregistré ça, j'étais à quatre pattes et puis j'avais déjà un ordinateur à l'époque et j'ai commencé à le travailler ce son et il faut quand même beaucoup de figurants hein, pour cette séquence là, beaucoup de fourmis qui passent sur des feuilles mortes mais là il y en avait beaucoup et ça m'a fait découvrir quelque chose, j'ai ouvert une porte. Mais nous aussi, nous avons un chez-moi. Nous fabriquons des nids, disent les guêpes et les oiseaux. Nous, ajoutent les abeilles, nous façonnons des ruches. Et nous, nous fabriquons des termitières dont certaines vont loin vers le ciel, rétorquent les termites. Et nous, des fourmilières vers le plus profond de la terre, renchérissent les fourmis. Et dans tous ces lieux, nous nous sentons chez nous. Ils nous protègent et nous permettent de couver nos œufs, nourrir nos larves et élever nos petits en sécurité. C'est cela que nous appelons notre chez-moi. Donc là, on est avec les fourmis moissonneuses. Voilà le bruit que ça fait quand elles croquent le bois, elles font leur galerie, elles creusent leur galerie. Ça fait ces bruits particuliers avec les mandibules, elles arrachent des copeaux. J'ai mis un micro de plaquage dedans. Et en fait, j'entendais les mandibules croquer le bois. Là aussi, c'est très amplifié. Mais c'est comme un bruit de bâton de pluie. Voilà. À entendre tout cela, ceux qui ne construisent rien se sentent très démunis. Ils ne sont pas d'accord. Nous craignons que vous n'alliez bien trop vite. C'est vrai que nous ne fabriquons ni nid, ni ruche, ni terrier, ni tunnel, ni fourmilière, ni termitière. Et certains d'entre nous ne font de nid qu'à certains moments et ne vivent d'ailleurs pas dedans. Mais cela ne change rien. Nous aussi, nous avons chacun un chez-moi. Ce que les humains appellent le territoire, c'est pour chacun d'entre nous notre chez-moi. Là, c'est des fourmis rousses, donc c'est les grosses fourmilières de montagne en monticule dans les forêts. On n'est pas à l'intérieur de la fourmilière, on est juste au-dessus, là. C'est un murmure. Notre territoire, notre chez-moi, alors... On entend d'ailleurs les autres insectes autour. ...n'est pas tellement quelque chose dont nous dirions « c'est à moi », mais ce morceau d'espace que chacun de nous transforme en y laissant un peu de soi. Chez moi, ce n'est pas à moi. Mais c'est moi. Fourmilière en Finlande. En plein son des arbres derrière. Pour l'expliquer, le spécialiste des animaux Jacob von Huxel proposait d'essayer de comprendre d'abord comment chaque animal perçoit les choses qui l'entourent. Au Muséum d'Histoire Naturelle. Victor Gabli, ça commence bien. Claudie Dooms, spécialiste des fourmis, directrice d'études à l'Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité et au Laboratoire Fonctionnement et Évolution des Systèmes Écologiques, CNRS. Sur les ailes, en fait, il y a les herbiers. D'accord. Et puis en sous-sol, il y a les laboratoires. Hein. Et justement, la salle d'élevage aussi pour les fourmis, mais là, actuellement, en hiver... Il n'y a pas de fourmis en hibernation. C'est disons qu'on les met en hibernation quand on n'a plus besoin de travailler avec et qu'on ne veut plus pas s'en occuper et leur donner à manger et les nourrir. C'est pratique. L'aspect principal de mon travail reste les analyses génétiques, mais nous faisons aussi beaucoup de comportements. Alors bien sûr, on élève les fourmis, donc on les élève en labo. Mais on a aussi, sur le terrain, dans le sud de la France, vers Banyuls, on avait mis en place des grands enclos hein, qu'on a remplis de sable, hein, qui nous permettent d'avoir des sortes de conditions semi-naturelles. Sur le terrain, on ne contrôle pas. Et là, on contrôle quand même ce que font les colonies. Elles ne peuvent pas s'échapper, elles ne peuvent pas partir. Ce qui nous permet de faire des suivis des colonies en conditions semi-naturelles. Et puis on fait quand même aussi du terrain. On a passé des mois, par exemple, à suivre des fourmis pour savoir une colonie, combien de jeunes colonies elles étaient capables de produire. Et là, c'était laborieux, hein. C'était vraiment du suivi comportemental sur le terrain. On l'a fait une fois, je suis pas sûre qu'on le refera beaucoup, mais ça nous avait pris 2 ou 3 mois à 4. Voilà. Chez soi, c'est d'abord chez nous. Là, nous allons pouvoir commencer à nous comprendre, disent les fourmis, toutes heureuses, aussitôt suivies des abeilles, des termites et des guêpes sociales. Ce que vous faites n'est pas très éloigné de ce que nous-mêmes fabriquons, sans doute un peu moins organisé. Ne dit-on pas de nous que nous sommes les véritables architectes de la nature ? N'est-ce pas nous qui avons enseigné l'architecture aux humains ? En matière d'habitat collectif, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons développé une véritable expertise. Les guêpes potières les interrompent. Les guêpes ne peuvent pas parler en notre nom à toutes. Nous sommes certes des guêpes, mais nous vivons en solitaire. En revanche, nous sommes bien d'accord sur un point. Nous pouvons apprendre pas mal de choses aux humains. Certains d'entre eux ont dit de nous que nous leur avions appris l'art de la poterie. Donc je m'appelle Philippe Grandcola, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis responsable d'un laboratoire mixte qui s'appelle l'Institut de systématique évolution biodiversité. Un laboratoire qui comprend à peu près 200 personnels, dont une quarantaine d'étudiants en doctorat, et qui est patronné par le CNRS, le Muséum national d'histoire naturelle, Sorbonne Université, l'École pratique des hautes études et l'Université des Antilles. Voilà, c'est un laboratoire dans lequel, vous voyez, toutes les expériences de ces personnels sont mises en commun et permettent d'aller de l'avant de manière collective. On a parlé du vivant jusqu'à la première moitié du XXe siècle parce que on avait une vision très réductionniste. On étudiait des animaux au laboratoire, le rat blanc, la petite arabette des prés, la mouche du vinaigre, qui étaient des modèles scientifiques extraordinaires sur lesquels il y a des milliers de chercheurs qui ont fait des découvertes vraiment sensationnelles sur l'hérédité, sur la physiologie, sur la génomique. Beaucoup de sujets vraiment dont aujourd'hui on bénéficie par les connaissances qui ont été obtenues. Et on s'est aperçu dans les années 80-90 que cette vision du vivant, elle était très très restrictive et qu'en réalité, si on parlait du vivant, on pensait à tout ce qui était commun entre tous les organismes, alors qu'en réalité, on doit s'intéresser précisément à tout ce qui est différent, parce que ces différences entre les organismes, ce qui est le fond de la diversité biologique, ces différences, elles nous importent, hein. Nous ne pouvons pas manger qu'une seule chose, nous ne pouvons pas cultiver qu'une seule espèce, nous ne sommes pas victimes d'une seule maladie ou d'un seul vecteur, donc nous devons avoir connaissance de cette diversité. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que derrière ces différences, qui peuvent être certes quelquefois minimes, il y a des sujets de fond pour l'humanité. Et aujourd'hui, on parle à dessein de diversité biologique et non plus seulement du vivant. En fait, Darwin, dès Frédéric Legendre, 1859, avec l'Origine des espèces, avait pointé du doigt en quelque sorte les comportements sociaux extrêmes, ce qu'on appelle l'eusocialité, puisqu'il mettait à mal un petit peu sa théorie de la sélection naturelle. Il avait appelé ça la difficulté, c'est une difficulté spéciale qu'il pensait insurmontable pour sa théorie de la sélection naturelle. Pourquoi c'était une difficulté toute spéciale? C'est parce qu'en fait, on a des individus qui sont stériles, donc qui ne transmettent pas leurs gènes, et donc la question c'est comment ça a pu être sélectionné au cours de l'évolution alors qu'il n'y a pas de transmission des gènes. Alors il y a eu des grandes avancées depuis, une avancée remarquable. Darwin d'ailleurs déjà avait avancé des arguments pour expliquer cette origine. Et puis une des avancées remarquables, c'est celle qui a été faite en 1964 par Hamilton. Ce qu'a formalisé Hamilton, c'est au lieu de regarder simplement au niveau d'un individu quels sont les gènes qu'il va transmettre, sa valeur sélective en quelque sorte, son succès reproducteur, eh bien il a étendu cette valeur sélective, en anglais la valeur sélective c'est la fitness, il a étendu cette fitness à ce qu'on appelle aussi une fitness indirecte. Donc il y a la fitness directe qui est votre succès reproducteur direct, et puis la fitness indirecte qui va être celle qui est transmise via vos congénères. Ça fait déjà presque 20 ans que je travaille sur les fourmis. On fait des expériences, bon, on n'a pas pu les faire là cette année à cause du confinement, mais je travaille aussi sur des aspects de sélection sexuelle, parce qu'en fait on a les ouvrières qui agressent les mâles à l'entrée des nids, ce qui est a priori bizarre, hein, l'accouplement chez l'espèce sur laquelle on travaille a lieu au sol, et les ouvrières agressent les mâles, elles peuvent même des fois les tuer. Et donc nous, on essaye de comprendre pourquoi elles agressent ces mâles, parce qu'après tout, il faut quand même que la jeune reine s'accouple. Et notre hypothèse, c'est que indirectement, elles vont sélectionner le meilleur mâle, celui qui est capable de résister aux agressions et donc ainsi de transmettre des bons gènes à la jeune reine. Donc ça, c'est assez rigolo. Les fourmis, qui avaient lancé l'idée de l'architecture, profitent de cette interruption pour annoncer qu'elles ont, quant à elles, été à l'origine de l'invention du papier chez les humains. Les guêpes sociales de la famille des Vespidés, dont font partie les frelons, contestent. Elles-mêmes font des nids de carton. Elles rongent avec leurs mandibules des copeaux de bois et puis avec leur salive qui est collante, les mixent en une pâte. Ce sont elles qui ont montré aux humains comment procéder. Les abeilles interviennent. On ne va quand même pas donner des cours d'architecture, on n'en finirait pas. Si nos souvenirs sont bons, disent-elles, nous étions en train de parler du fait que ce sont nos constructions qui nous rassemblent et qui font de nous des êtres sociaux. Qu'avaient dit les tisserins ? Chez soi, c'est chez nous. Là, nous avons des galeries et les chambres où nous passons l'hiver. Nous fabriquons tout cela en carton, mais au contraire de ce que nous venons d'entendre, nous utilisons pour la pâte un liquide sucré qui permet aux copeaux de bois de bien tenir ensemble. Les abeilles les rappellent à l'ordre. Vous n'allez pas, vous aussi, nous donner un cours d'architecture. On voudrait revenir à notre sujet. Chez soi, c'est chez nous. Auriez-vous quelque chose à nous apprendre par rapport à cela ? Les élevages, ça marche plus ou moins bien en fonction des espèces. Donc là, on en voit des... Frédéric Legendre, entomologiste du muséum, spécialiste de l'ordre des dictyoptères qui regroupe les blattes, les termites et les mantes religieuses. Une des caractéristiques auxquelles je m'intéresse, c'est effectivement l'évolution du comportement social chez ces insectes, puisque les mantes, on n'observe pas de comportement social remarquable, on va dire, alors que chez les termites, on a de l'eusocialité, où il y a des individus stériles et des individus qui se reproduisent. Et puis, un petit peu entre les deux, on va dire, on a les blattes, où il y a différentes stratégies de comportements sociaux, avec des espèces qui sont solitaires, d'autres qui sont grégaires, d'autres qui prennent soin de leurs jeunes, et ainsi de suite. Justement, disent les fourmis noires, c'est ce que nous voulions aborder. Le chez-nous est un chez-nous bien plus étendu que tout ce que nous avons entendu jusqu'ici. Car le liquide sucré qui nous permet de fabriquer la pâte, en fait, nous est offert par les pucerons et les cochenilles avec qui nous nous sommes associés. Ils logent à la porte à côté sur de grandes feuilles dont ils se nourrissent. Lorsque nous leur rendons visite, nous leur frottons les flancs avec nos pattes et en réponse, ils défèquent. Nous n'avons qu'à récolter la substance riche en sucre dont nous avons besoin pour nos ouvrages. Nous en mangeons également. Nous prenons soin d'eux, nous les protégeons. Et parfois même, nous leur construisons un toit, une sorte de voûte faite de petites mottes de terre ou d'autres matériaux pour les abriter. Nos cousines, les fourmis tisserandes, ont quant à elles choisi de leur tisser une tente. Et nos autres cousines, les fourmis des prés, leur construisent de véritables pavillons en terre. Des étables, suggèrent les vaches qui ne parlent que quand elles ont vraiment quelque chose à dire. Donc on a ici, dans cette grande boîte, une colonie de Cryptocercus. On a fait les comptes il y a quelques jours, il y avait à peu près 70 individus. Donc c'est les espèces du genre Cryptocercus, c'est bien vivent dans le bois mort et s'en nourrissent. Et vous voyez qu'elles creusent des galeries dans le bois en s'en nourrissant. Alors elles sont, on n'aura pas forcément la chance d'en voir énormément, il faut soulever ces morceaux de bois. Là, j'en vois par exemple dedans, si on s'ouvre, il y en a qui sont cachés dessous. Ils sont énormes. C'est effectivement une espèce pour lesquelles les adultes sont assez grands. Ils peuvent atteindre 3 cm sans problème. Ça part vite. Hein. Elle part très très vite. Hein. J'en vois pas. Non, je regarde si j'ai réussi à vous en... Non. Ici, on a une qui est un petit peu enfouie, là. Ah oui, ça y est, je la vois. Ce qui est particulièrement intéressant chez ces Cryptocercus, c'est qu'elles sont subsociales. Donc, outre le fait qu'elles vivent dans le bois, et comme je le disais, par rapport à l'évolution de la socialité chez les termites, c'est une caractéristique intéressante. Mais en plus, elles sont subsociales, c'est-à-dire qu'elles prennent soin de leurs jeunes. Donc, en fait, ici, vous avez une colonie où il y a des parents qui vont s'occuper de leurs jeunes. Il y avoir un soin aux jeunes, c'est ce qu'on appelle la subsocialité. Claudie Dums, spécialiste des fourmis, Il y a une espèce en particulier sur laquelle on travaille qui a des reines qui s'accouplent avec plusieurs mâles, mais qui n'utilisent le sperme des mâles que pour produire les ouvrières. Pour produire les jeunes reines, elle fait de la parthénogenèse télitoque, c'est-à-dire qu'elle n'utilise que son propre génome qu'elle transmet à ses jeunes reines. Et les jeunes reines sont celles qui vont transmettre les gènes à nouveau. Donc en fait, c'est assez rigolo parce qu'elle s'accouple avec plusieurs mâles, mais elle est capable après de choisir pour quelle caste elle va utiliser le génome du mâle ou pas. Elle ne va pas utiliser le génome du mâle pour la caste reine qui, elle, va transmettre les gènes. Et donc du coup, elle transmet 100% de ses gènes à chaque génération. Donc c'est exactement la puissance de la femme avec l'utilisation de l'homme de façon relativement anecdotique pour avoir de la diversité génétique dans la colonie. Il y a plusieurs stratégies de reproduction chez les blattes. Donc en fait, ici, on a un suivi des populations, des différentes générations qu'on obtient, puisqu'on a donc des femelles qui vont pondre des zootèques. Et ça, c'est une espèce qui appartient à une famille dans laquelle il y a une oothèque qui est produite de manière externe. Et donc cette oothèque, c'est une petite valise dans laquelle il y a l'ensemble des œufs qui sont agglutinés. Et cette oothèque, en fait, elle a des propriétés qui permettent d'assurer la défense des œufs. Parce que regrouper tous ces œufs dans la même oothèque, c'est une stratégie qui peut avoir ses inconvénients, puisqu'une fois qu'on trouve une oothèque, eh bien, l'intégralité de la portée risque d'être détruite. Mais du coup, il y a cette coque externe qui permet de protéger les œufs. On suit de manière précise lorsque l'oothèque est déposée, lorsque les premiers juvéniles sortent de l'oothèque, puis on suit leur évolution à travers leurs différentes mues, comment elles vont grandir pour devenir des individus adultes. Donc c'est pour ça que vous avez ici des boîtes dans lesquelles on a différents individus pour lesquels on a un code couleur pour pouvoir suivre les différentes générations. Alors dans chacune des boîtes, eh bien, on met des conditions d'humidité avec un coton humidifié, un peu de nourriture, et puis on leur met aussi des endroits où elles peuvent s'abriter. Parce qu'il faut savoir que la grande majorité des blattes sont nocturnes. Donc là, vous avez vu, hein, elles étaient toutes cachées sous cette boîte à œufs qu'on leur a posée ici. Et dès qu'on soulève, on voit que ça leur plaît pas vraiment. Ce qu'on peut voir ici, par exemple, ce sont ces fameuses zootèques. L'oothèque se forme à l'intérieur de l'abdomen de la femelle, et puis elle est expulsée vers l'extrémité de l'abdomen. Pour certaines espèces, cette oothèque reste jusqu'à l'éclosion attachée à la femelle. Pour d'autres espèces, cette oothèque est déposée dans un substrat. Donc toutes ces espèces avec des zootèques sont appelées ovipares, puisqu'il y a la formation d'œufs. Et puis, il y a des espèces qui sont dites ovovivipares, c'est-à-dire qu'il y a bien cette oothèque qui est formée, mais cette oothèque, à la fin de la reproduction, ce qui sort de la femelle, c'est malgré tout directement des petits, puisque l'oothèque est conservée à l'intérieur de l'abdomen de la femelle. Il y a aussi une espèce pour laquelle on parle de viviparité chez les blattes, comme pour nous, donc avec des échanges à l'intérieur de l'organisme de la femelle. Au niveau des insectes et des insectes sociaux, d'ailleurs, il y a une très grande diversité, une très grande richesse dans les stratégies de reproduction. Avec des reines qui peuvent s'accoupler avec un seul mâle, et puis elles le gardent toute leur vie. Et les reines, chez certaines espèces, peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une structure physiologique, une poche, qui est capable de garder des spermatozoïdes vivants pendant des dizaines d'années, ce qui est assez extraordinaire. L'univers des insectes a toujours été pour moi un univers inquiétant. Je n'étais pas un enfant qui prenait les perce-oreilles dans ses mains. Je n'étais pas un explorateur partant à la découverte de ces êtres mystérieux. La rencontre avec ces lilliputiens relevait chaque fois d'une surprise qui éveillait en moi un imaginaire démesuré, vertigineux, grouillant. Je suis parti à leur recherche. Je les ai filmés dans la nature en me mettant à leur hauteur pour tenter de m'immiscer dans leur paysage, de saisir leur point de vue, pour rêver à ce qui se passe sous les écorces et les mousses dans toutes ces contrées inaccessibles aux humains. La boîte est ouverte. J'essaye d'enregistrer le son des insectes. Boris Van der Voort. Mais souvent, ils s'immobilisent dès qu'ils sont face à la caméra. Réalisateur de Le Champ des Visions. Ma boîte est ouverte. Et j'installe des micros. Qu'à la lumière du jour. je décide d'abord de construire avec Loïc, ingénieur du son, une petite chambre noire insonorisée, équipée de microcapteurs. Donc là, la boîte est fermée, mais on entend l'insecte. En discutant avec des entomologistes, et en particulier avec un ami qui me prêtait comme ça beaucoup de papillons, il me disait, mais écoute Boris, il y a une méthode assez simple, il suffit de les mettre 1 à 2 minutes au frigo, ils rentrent en hibernation, tu les sors de ton frigo, à ce moment-là, tu vas voir, ils vont se réveiller tout doucement, tu vas pouvoir les filmer. Donc il y a quand même eu aussi tout un écolage pour apprendre à filmer le mouvement des insectes. Ce qui me plaît dans la nature, c'est de trouver des subterfuges pour rentrer dans cette autre dimension, cette autre temporalité, dans cette autre... Si je pars du début au niveau des fourmis, donc je rappelle en fait qu'on est dans des cas de société évoluée, dans le sens où dans la majorité des espèces de fourmis, il y a 2 castes, une caste reine, donc c'est celle qui passe sa vie à se reproduire. Elle ne sort jamais du nid et passe sa vie à pondre des œufs. Et la caste des ouvrières, elles sont les ouvrières qui aident la reine, qui s'occupent du couvain, qui nourrissent la reine, qui la nettoient, qui ont les comportements hygiéniques qui font que la colonie reste propre. Donc elles peuvent sortir les morts, par exemple, et les mettre dans une sorte de cimetière. Les ouvrières vont aussi construire le nid, enfin vont s'occuper de tout ce qui touche au fonctionnement de la société pour que cette colonie survive et soit fonctionnelle. Les entomologistes estiment qu'il y a 10 millions de milliards de fourmis. En moyenne, une fourmi pèse plus ou moins 3 mg. Et alors, ils se sont amusés à dire que si on mettait toutes ces fourmis sur un plateau d'une balance, et que si sur l'autre côté on mettait les hommes, on arrivait à un équilibre. Au niveau biomasse, le poids des fourmis est équivalent au poids des hommes. Mais ça ne représente que les fourmis. Alors où sont les mâles là-dedans ? Les ouvrières et les reines sont des femelles. Les mâles sont produits généralement à un moment donné, au moment de la reproduction, et vivent très peu, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils se sont accouplés avec les jeunes reines, les princesses, ils meurent. Voilà. Quand ils sont tout jeunes et qu'ils ne sont pas encore sortis, les ouvrières peuvent s'en occuper, leur donner à manger, mais à un moment où ils sont sexuellement matures... Les ouvrières les invitent parfois agressivement à sortir de la colonie pour aller se reproduire ailleurs. Évidemment, les ouvrières vont éviter d'avoir de la reproduction consanguine dans le nid, donc c'est pour ça qu'elles vont chasser les mâles pour qu'ils aillent s'accoupler avec une autre reine et éviter les problèmes d'accouplement entre apparentés et donc de consanguinité. Il y a aussi des espèces de fourmis où les mâles ne sont pas chassés. Ils restent à l'intérieur et ils s'accouplent avec leurs sœurs. Et il y a de la consanguinité. Et finalement, la colonie survit quand même. Il y a même quelques espèces où, pour être sûr que la femelle ne s'accouple pas avec un deuxième mâle, et donc qu'il n'ait pas partagé ses gènes avec quelqu'un d'autre, il est prêt à sacrifier sa vie et donc en fait il reste accroché au moment de l'accouplement. Et pour s'en débarrasser, la jeune reine doit se retourner, le mordre, les ouvrières doivent l'aider. Et en gros, elle déchiquette le mâle, en fait elle le tue de façon à débarrasser la jeune reine de ce mâle qui s'est complètement accroché à elle au niveau de l'appareil génital. C'est une façon pour le mâle en fait d'assurer qu'il sera le père de toutes les filles de la jeune reine. S'il a une certaine probabilité de rencontrer d'autres femelles, dans ce cas-là, en général, il se détache tout seul, il va essayer de voir s'il peut aussi transmettre du sperme ailleurs. Regarder les fourmis, n'est-ce pas percevoir la complexité de la structure du vivant, sa dynamique interne, toujours en mouvement. La vie des fourmis donne du fil à retordre aux entomologistes et donne lieu à 1001 interprétations, dont celle de Maurice Maeterlinck. La fourmilière devrait être considérée comme un individu dont les cellules au rebours de celle de notre corps qui en compte environ 60 trillions, ne serait plus aggloméré, mais dissocié, disséminé, extériorisé, tout en restant soumise, malgré leur apparente indépendance, à la même loi centrale. Mais les fourmis noires voudraient continuer. Car ce n'est pas tout, disent-elles. Chez nous, on ne vit pas seul. On est chez soi, mais pas rien contre soi. Nous hébergeons un champignon que nous soignons et protégeons. Et lui, de son côté, il nous nourrit. Mais surtout en grandissant dans la fourmilière de carton et en étendant ses filaments, il consolide nos constructions. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire des humains, précisent les perroquets, une symbiose ou une communauté d'intérêts. Chacun gagne dans l'association. Les saumons, qui ont beaucoup voyagé et vu pas mal de choses là où personne ne va, racontent qu'ils ont rencontré ce genre d'association. Il est très fréquent qu'une crevette partage son nid creusé dans le fond de l'océan avec un poisson de la famille des gobies. La crevette offre l'hospitalité. Elle fait également la toilette du poisson, ce qui la nourrit. Nous connaissons cela aussi, renchérissent les fourmis qui fabriquent des nids en carton. Il arrive souvent qu'une pie s'installe avec ses œufs chez nous et nous les laissons en paix. Pensons aux millions d'espèces différentes. Les insectes représentent 80% des espèces animales. Et les entomologistes disent qu'ils en découvrent encore tous les jours des insectes. L'insecte est quelque chose qu'on a tendance un peu à ignorer, à réprouver, à écraser. Et je trouvais que c'était très amusant de regarder le monde par l'autre bout de la lorgnette. En fait, les insectes, pour moi aussi, c'est comme des bijoux vivants. Enfin, très, très beaux. Les coléoptères sont souvent magnifiques. On raconte d'ailleurs qu'il y a une coutume en Amazonie où les femmes prenaient des insectes et les attachaient à leur robe avec une petite ficelle. Et ces insectes se promènent sur leur corps. Et pour eux, ces insectes sont comme des bijoux vivants. Et donc, j'ai toujours essayé de soigner mes lumières et... Voilà, c'est pas un film entomologique, c'est un film fictionnel en même temps. C'est une zoologie fiction, donc j'avais envie vraiment de mettre en scène comme des vedettes tous ces insectes. Ma représentation des insectes n'est pas sans malaise, sans peur. Mais c'est plus fort que moi. Je ressens le besoin de les approcher. Je veux découvrir leurs yeux. Les insectes me voient-ils, eux aussi? Me considèrent-ils? Me sentent-ils? M'espionnent-ils peut-être? Il y a beaucoup de travaux qui se développent à présent sur ce qu'on appelle la personnalité des insectes. Frédéric Legendre. À travers ça, en fait, c'est surtout une façon de montrer que, au sein d'une même espèce, eh bien, il y a des variations inter-individuelles entre les individus. Certains vont se comporter de manière plus agressive que les autres, par exemple. Ça reflète un petit peu la complexité du vivant. Moi, je m'intéresse à l'évolution sociale chez blattes et termites. Il faut savoir que les termites sont étroitement apparentés aux blattes, tellement apparentés que les dernières hypothèses phylogénétiques convergent toutes vers la même hypothèse, à savoir que les termites seraient ce qu'on appelle nichés au sein des blattes, c'est-à-dire que ce seraient des blattes eusociales. Est-ce que vous pourriez me raconter comment ça fonctionne, une termitière? Il n'y a pas un seul type de termitière, il y a beaucoup de types de termitières différents. On a des ouvriers qui vont se charger d'aller récupérer de la nourriture, de la ramener au nid, qui vont s'occuper du couvain aussi, donc des œufs et des tout premiers stades larvaires. Et puis on a les soldats qui vont assurer la défense du nid, mais aussi la défense des ouvriers lorsqu'ils vont patrouiller pour chercher de la nourriture. On a des exemples assez remarquables où on a des colonnes d'ouvriers, et puis flanqués sur les côtés, on a des soldats qui sont en poste et qui permettent donc d'assurer la protection des ouvriers. Et puis évidemment, il y a les reproducteurs. Et là, les reproducteurs, c'est très compliqué aussi, puisqu'on a une image assez biaisée, finalement, quand on pense au couple royal, ce qu'on appelle le couple royal, hein, le mâle et la femelle qui sont les reproducteurs principaux. Il y a d'autres reproducteurs qui peuvent intervenir au sein d'une même colonie. Il y a deux dimensions principales sur lesquelles je me suis penché. Il y a d'abord l'évolution des castes chez les termites, puisqu'en fait, il y a, depuis le milieu des années 80, il y avait deux hypothèses contradictoires, à savoir que la caste des ouvriers, on parle d'ouvriers vrais ou de faux ouvriers. Pour ce qu'on appelle les faux ouvriers ou pseudergates, il y a une possibilité d'évoluer vers un stade où on se reproduit. Donc autrement dit, la stérilité est loin d'être établie, figée définitivement. Alors que pour les ouvriers vrais, le schéma est plutôt vers une stérilité qui est figée. Donc vous comprenez bien que ça a une influence sur l'évolution de la socialité. Si on s'investit de manière altruiste, mais que la possibilité de se reproduire existe, ce n'est pas du tout la même chose sur le plan de l'évolution que de comprendre comment une évolution avec une stérilité figée peut se produire. Il y a donc des hypothèses au milieu des années 80 qui étaient opposées, à savoir l'évolution de la caste des ouvriers vrais. Elle était apparue une seule fois au cours de l'évolution chez les termites, alors que pour d'autres, l'origine de cette caste était arrivée de manière multiple au cours de l'évolution. Qu'est-ce qui définit une reine? Qu'est-ce qui définit une ouvrière? La reine est généralement plus grosse que les ouvrières. Alors je dis toujours généralement, parce qu'il y a toujours des exceptions. Hein. Donc je fais attention. Donc, généralement, la reine est plus grosse que les ouvrières. Pourquoi? Parce que justement, comme c'est celle qui se reproduit, il y a vraiment une évolution pour renforcer la capacité de reproduction. Et si elle peut vivre des années, elle est protégée, hein, finalement, la reine. On investit dans la reproduction, donc on investit aussi énergétiquement dans la production de ces reines en leur donnant une nourriture qui est de bonne qualité, très nutritive, en plus grande quantité, ce qui fait que bon, elles vont être morphologiquement plus grosses et aussi plus robustes en termes de survie. Elles restent dans la fourmilière, dans la colonie, immobiles. Qu'est-ce qu'elle fait, cette reine? Alors, dans la colonie, ça dépend des colonies des fourmis, mais en général, si on parle de nids classiques, hein, qui sont dans le sol avec plusieurs chambres, la reine ne va pas rester immobile à un endroit. Elle a intérêt à se déplacer, à aller un peu partout. En revanche, elle ne va jamais sortir du nid. Une fois qu'elle est accouplée, elle ne ressortira plus du nid. Elle va se déplacer dans le nid pour montrer qu'elle est présente, hein. Parce que s'il y a une zone du nid où elle ne va jamais, par exemple, les ouvrières ne vont plus avoir l'odeur de la reine et pourraient se dire « Ah bah tiens, il n'y a plus de reine, on est toute seule, on va se mettre à pondre. » Donc la reine a quand même intérêt à patrouiller un peu partout dans le nid pour montrer qu'elle est présente et qu'elle existe. Et quelque part, d'expliquer aux ouvrières, là, vous n'avez pas à vous reproduire parce que moi, je suis là et je suis capable de me reproduire de façon beaucoup plus efficace que vous. Dans la majorité des espèces de fourmis, les ouvrières ont gardé les ovaires. Alors évidemment, la reine va avoir environ, enfin ça n'est pas des espèces, hein, mais 10 fois plus d'ovarioles, hein, c'est des petites parties des ovaires, que les ouvrières. Les ouvrières en auront qu'une, ce qui veut dire que la reine va pondre 20 fois plus d'œufs que les ouvrières dans un même laps de temps. En revanche, les ouvrières ne s'accouplent pas. Elles vont pondre des œufs. C'est des œufs qui ne seront pas fécondés, donc c'est des œufs parthénogénétiques, hein, et qui seront haploïdes. Il n'y a qu'un lot de chromosomes, en fait. Et ça va produire des mâles. Parce que chez les fourmis, la détermination du sexe, c'est une détermination que l'on appelle haplodiploïde, donc ça existe chez plein d'autres insectes, c'est pas du tout quelque chose d'original pour les fourmis. Ce qui veut dire que les mâles possèdent qu'un seul lot de chromosomes, alors que les ouvrières sont comme nous, les hommes, avec deux lots de chromosomes, un qui vient de la mère, un qui vient du père. Alors que les mâles, non, ils en ont qu'un, c'est celui qui vient de la mère. Du coup, ça ouvre la perspective aux ouvrières, hein, de pouvoir produire des œufs mâles, même sans s'être accouplées. Il y a une différence fondamentale chez les termites, c'est que tous les individus sont diploïdes, comme nous le sommes. Donc en fait, nous sommes des individus diploïdes, c'est-à-dire qu'on a un système de paires de chromosomes. Et de la même façon, chez les termites, les individus sont aussi diploïdes, avec des paires de chromosomes, alors que chez les hyménoptères, on a un système haplodiploïde, donc cette fois avec N chromosomes uniquement pour les mâles et 2N pour les femelles. J'ai démarré en étant classique, la reine se reproduit, les ouvrières sont là pour aider la reine, tout est bien, c'est harmonieux, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Puisque les ouvrières ont la capacité de produire des œufs mâles, ça veut dire qu'il peut y avoir des conflits. D'un point de vue génétique, les ouvrières, elles préfèrent élever leurs propres fils que les fils de la reine. Les ouvrières, effectivement, ont un intérêt égoïste à se reproduire pour transmettre leurs propres gènes, mais à l'échelle de la colonie, si toutes les ouvrières se mettent à se reproduire, qu'est-ce qui va se passer ? Plus personne va travailler, il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus personne pour élever les larves. Donc en fait, ça ne sert à rien de se reproduire toutes si derrière, personne n'est là pour élever les larves. Donc si jamais ce genre de stratégie évolue, entre guillemets, ça ne va pas durer longtemps parce que les colonies ne vont pas se reproduire. Donc les gènes de ces ouvrières-là qui sont trop égoïstes ne vont pas être transmis puisque la colonie ne va pas se reproduire. Se freine elle-même en disant non, je ne vais pas me reproduire parce que finalement ça va avoir un coût à l'échelle de la colonie. Au final, ça ne sera pas bon parce qu'il vaut mieux que je transmette mes gènes en élevant correctement mes sœurs et mes frères qu'en essayant de me reproduire moi. C'est ce qui permet tous ces comportements altruistes d'évoluer, de se maintenir et d'avoir des sociétés qui sont fonctionnelles. Mais ça ne nécessite pas une réflexion et ça ne nécessite pas qu'il y ait quelqu'un qui a un chef, en fait, hiérarchique, qui dise ce qu'il faut faire. Si on regarde la colonie, on va avoir des amas d'œufs, puis après on va avoir des petites larves, mais plutôt regroupées dans un coin, puis des larves moyennes dans un autre coin, puis les grosses larves et puis les cocons. Donc en fait, elles vont diviser souvent les différents niveaux de stades de larvaires de façon à ce que les grosses larves ne mangent pas les petites. Et ça va être bien organisé. Mais comment elles font ? Comment elles ont décidé ? Qui a décidé de le mettre là ? Il n'y a personne qui décide. C'est souvent des décisions comportementales très simples. C'est s'il y a une larve, je mets l'autre. De la même taille. S'il y a une larve qui n'est pas de la bonne taille, je la prends. Avec des petites règles de décision très très simples, en fait, d'un point de vue cognitif, on arrive à avoir une structuration qui apparaît organisée. Et c'est vraiment des prises de décision individuelles qui font que sur l'ensemble, ça génère une structuration efficace. C'est quoi ? Est-ce que ça m'intrigue ? C'est quoi les échanges entre membres d'une même colonie ? C'est alors, des échanges de quelle sorte ? Chez les termites, il y a des échanges de nourriture. Par exemple, les soldats, qui ont des spécialisations morphologiques très importantes, ne sont pas capables de se nourrir. Donc il va y avoir des échanges entre les ouvriers et les soldats pour que ces soldats puissent se nourrir. Et c'est ce qu'on appelle de la trophallaxie. Il y a la trophallaxie qui peut s'opérer de bouche à bouche, et puis il y a aussi de la trophallaxie qu'on appelle proctodéale, où cette fois-ci, c'est de bouche à anus. Voilà, donc c'est deux exemples de types de trophallaxie. C'est un des comportements qui a été mis en avant pour essayer de comprendre l'évolution de la socialité chez les termites. Et c'est en lien aussi avec le fait que les termites, à l'origine, au cours de la Révolution, le socialité s'est développé en association avec un régime xylophage, donc le fait de se nourrir de bois. Et ces trophallaxies, c'est un échange où il y a la nourriture qui est transmise, mais pas que. Il y a aussi des symbiontes, donc des micro-organismes qui vont vivre en symbiose avec l'individu et qui vont participer à la digestion de la cellulose et donc permettre d'exploiter de manière efficace cette nourriture qu'est le bois. On pense aux fourmis, c'est la recherche de nourriture et les pistes qu'elles font. Et le fait qu'elles soient capables d'arriver à construire une piste qui va aller de façon le plus efficacement possible à la source de nourriture. Et donc le principe, c'est je suis la piste qui a l'odeur la plus forte. La piste faite par la fourmi qui est la plus efficace, même si la fourmi elle ne sait pas que sa piste est efficace, elle va revenir plus vite à la colonie. Donc s'il y a une autre ouvrière qui passe dessus, elle va aussi revenir plus vite. Au bout d'un moment, il y aura plus d'odeur sur cette piste parce que tout le monde va revenir plus vite. Et donc du coup, ça fait un emballement et cette piste sera entre guillemets choisie. C'est juste ma décision en tant que fourmi, je vais sur la piste qui sent le plus fort. On m'a raconté que dans une fourmilière, il existe des fourmis atypiques. Elles se comportent différemment des autres. Elles créent l'inattendu. Elles ne restent pas sur la piste suivie pour amener la nourriture au nid. Ces fourmis errantes vont et viennent à leur guise, trouvent parfois une source de nourriture imprévue et par là même se rendent utiles alors qu'il semble inutile dans les tâches quotidiennes de la fourmilière. Philippe Grand-Collat. Alors en fait, la manière dont les insectes trouvent la source d'une odeur, c'est un algorithme un peu particulier, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement dans l'endroit où ça sent le plus, ils vont faire des zigzags, et à chaque méandre du zigzag, ils vont prendre une décision en fonction, en fait, de la perception du moment. Et donc, ce faisant, ils balayent un espace, hein, en essayant de rester, disons, on va dire, dans le nuage de molécules odorantes. Et puis, la direction principale du déplacement se passe, en théorie, vers l'endroit où il y a le plus d'odeur. Mais ça ne se fait pas en ligne droite directement. Donc c'est un algorithme qui est apparemment plus efficace que la ligne droite, parce que la ligne droite, évidemment, une fois qu'on l'a fait, si on est parti dans la mauvaise direction, il faudrait revenir en arrière, mais à ce moment-là, on n'a plus forcément perception de la molécule odorante. Donc c'est un mécanisme un peu compliqué. Évidemment, ça, c'est un mécanisme qui fonctionne pas mal dans le milieu naturel et qui fonctionne moins bien dans des zones qui sont artificielles, hein, avec beaucoup de bâtis, avec des courants d'air, avec moins d'individus dans les populations. Comment vous pensez qu'elles nous perçoivent, nous ? Parce qu'il y a une différence d'échelle terrible. Est-ce qu'elles nous perçoivent dans leur écosystème ? Est-ce qu'elles perçoivent l'humain ? Est-ce qu'elles nous entendent ? Est-ce qu'elles nous sentent ? Est-ce qu'elles nous voient ? Alors, nous voir, oui. Enfin, ça dépend des espèces, hein, mais c'est des espèces qui ont des capacités visuelles qui sont bonnes et qui s'orientent à la vue, en fait, elles nous voient. Si vous avez une fourrageuse qui rentre au nid et vous vous mettez devant le nid, elle ne va pas retrouver son nid parce que finalement, vous la gênez, vous n'étiez pas là avant et tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'était pas là et du coup, elle se dit « mais je me suis trompée en fait ». Donc, elles peuvent nous voir et je pense que certaines fourmis sont attirées par l'homme, entre guillemets, parce qu'il y a les déchets associés. Tout le monde a eu des fourmis qui rentrent dans la maison. C'est que l'homme concentre de la nourriture et donc attire les fourmis. Ces fourmis qui ne suivent pas le chemin des autres et qui du même coup sont créatrices de nouvelles découvertes, elles m'intriguent. Elles m'interrogent. J'essaye d'en suivre une du regard dans la fourmilière. Impossible. Ma fourmi s'est fondue dans cette masse vivante, mouvante, grouillante, qui s'étend et se replie continuellement. Parfois même, elles peuvent collecter des résines particulières qui ont des propriétés antiseptiques. Elles permettent au nid d'être moins parasité. Il peut y avoir aussi des comportements hygiéniques. Alors, le classique, on voit toujours des fourmis en train de se nettoyer. Elles se lèchent. C'est vraiment un comportement hygiénique qui permet d'éviter la prolifération de champignons parce qu'elles vivent quand même dans la terre. C'est quand même un milieu avec quand même des risques d'infection. Et ces comportements hygiéniques sont extrêmement importants et occupent une très grande partie de leur temps. Une fourrageuse, quand elle revient, la fourrageuse, c'est l'ouvrière qui va chercher la nourriture, elle va se faire nettoyer. Ce sont les autres ouvrières qui vont après donner la nourriture à la reine. Donc il y a toute une chaîne qui permet finalement de limiter les interactions entre les fourmis qui sont à risque dans le sens où elles peuvent être infectieuses et fourmis qui sont à protéger. Et c'est un peu ce qu'on voit actuellement, finalement, avec le Covid, où on va mettre en place des comportements collectifs qui font en sorte qu'on va protéger nos personnes âgées qui sont plus à risque. Bon, ben là, elles protègent la reine parce que c'est la reine qui se reproduit et qu'il faut vraiment qu'elle survive. L'âge est un facteur important dans la détermination du comportement. C'est-à-dire que tant qu'elle est jeune, l'ouvrière va rester à l'intérieur du nid. Elle va s'occuper du couvent, elle va s'occuper du nid. Et puis en vieillissant, elle va commencer à aller à l'entrée du nid, commencer à construire le nid. Donc construire, ça veut dire, bon, bah, si je creuse, il faut que je sorte les petits cailloux. Donc elle prend un peu contact avec l'extérieur. Et ensuite, en fin de vie, elle va passer à l'étape de fourrageuse où elle va sortir du nid. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que à partir du moment où elle sort du nid, une ouvrière a un taux de survie qui est extrêmement faible. Il n'est pas du tout intéressant de faire sortir des ouvrières qui sont jeunes, qui ont une espérance de vie qui peut être de plusieurs mois, si elles risquent de mourir au bout de quelques jours. Donc du coup, ce sont les ouvrières les plus âgées qui finalement prennent les risques parce que bah, c'est moins coûteux de perdre une ouvrière âgée que de perdre une ouvrière jeune. On peut avoir des petites ouvrières et des grosses ouvrières. Donc on peut avoir des ouvrières qui sont des soldats, en fait, qui vont protéger le nid et qui sont vraiment énormes, qui ont des grosses mandibules. Donc en fait, elles protègent le nid de pas tant de prédateurs. Enfin, ça peut être des prédateurs aussi, hein, les araignées. Elles n'ont pas intérêt qu'une araignée pénètre dans le nid. Mais c'est plutôt des autres espèces de fourmis qui peuvent venir faire des raids, voler des larves. Il y a même des fourmis qui sont esclavagistes, donc qui peuvent prendre des larves, non pas pour les manger, mais pour les élever et prendre des ouvrières qui vont après travailler pour elles. Et certaines sont spécialisées là-dessus. Et comment elles font ? Elles combattent ensemble ? Ah oui, il peut y avoir des vrais combats. Il y a des familles où on peut avoir un aiguillon et avec et il y a une piqûre, hein. Mais même nous, hein, on peut être piqué par des fourmis. Il y a d'autres familles où ça sera des rejets d'acide formique. Et là, il n'y a pas de piqûre, mais ça sera de la morsure. Et des jets d'acide, pour des insectes, c'est pas très très bon. Donc il peut y avoir des vrais combats. Hein, en fait. Ça m'est arrivé une fois d'en voir un sur le terrain, c'est très impressionnant. On a même des ouvrières spécialisées, ça c'est assez rigolo. Il y a une espèce où on a des ouvrières, une case d'ouvrières qui a la tête complètement aplatie et ces ouvrières nichent dans du bois et il y a un petit trou et donc du coup elles ont une tête aplatie et elles bouchent l'entrée du nid. Après toutes les fourmis n'ont pas de soldats, hein. Il peut y avoir des bagarres même s'il n'y a pas de soldats. Hein. On comprend aisément pourquoi on peut s'identifier ou non à ces fonctionnements. Les fourmis sont une des rares espèces avec l'homme à faire des élevages. Elles sont capables d'élever des pucerons, certaines espèces de fourmis élèvent des pucerons et elles s'en occupent. C'est-à-dire que le matin, elles sortent leurs pucerons et le soir, elles les rentrent dans le nid pour qu'ils soient protégés. Elles se retrouvent dans un système d'élevage comme l'homme. Donc effectivement, il y a des parallèles qui peuvent être faits puisque bah, ça reste des sociétés. Mais justement, utiliser les fourmis peut être intéressant pour tester des fois certaines hypothèses qui ne serait-ce que de transmission, par exemple, de maladies hein, par rapport à des réseaux d'interaction. Travailler sur les fourmis peut permettre quand même de comprendre des problèmes qui finalement touchent également les sociétés humaines. Les humains disent ne pas pouvoir toujours expliquer pourquoi cela se passe de la sorte. Ils disent que pour le comprendre, il faudrait trouver l'avantage que nous tirons de cette cohabitation. Sans doute y a-t-il des avantages, mais nous le faisons certainement pour bien d'autres raisons. Peut-être simplement parce que cela en vaut la peine, ou encore parce qu'on se sent moins seul avec d'autres, ou parce que la vie est une aventure et que les aventures, ça se vit à plusieurs, ou parce que cela permet de raconter des histoires. Mais nous le faisons peut-être simplement parce que tout au long de notre très longue histoire à tous, cette longue histoire qui nous a vu apparaître les uns après les autres, avant même que les hommes ne nous donnent des noms, nous avons dû inventer et découvrir des manières de vivre, de construire, d'habiter, et surtout d'habiter avec d'autres êtres. Et nous l'avons appris, découvert et inventé, simplement parce que c'est ainsi que va la vie sur cette terre, à sa surface et dans ses profondeurs, dans son ciel et ses eaux. Ainsi va la vie sur cette terre qui est, pour chacun et pour nous tous, notre chez-nous. Le chez-soi des animaux, Vinciane Després. C'était « Des insectes et des hommes », une émission de Juliette Boutillier et Jean-Philippe Navarre, mixage Benjamin Vignal, prise de son en Belgique, Christophe Papon. Merci beaucoup à Anna Schmuck, que nous n'oublions pas. Les textes sont lus par Laurence Vielle. Merci à tous les passionnés et au service de presse du Muséum d'Histoire Naturelle, Samia Ramdan, Marine Didier, Blandine Priour, Flore Goldhaber. Et merci à la grande famille de la tribu des entomologistes et aux autres insectophiles. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans la fourmilière, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Apolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.